Être transparent en soi pour s'émanciper du mensonge. Voilà le sujet de l'enregistrement présent. En fait, je vais procéder à la lecture d'un texte que j'ai rédigé. Vous allez pouvoir le retracer en double-cliquant sur le lien qui figure en bas de l'enregistrement présent. Alors, ça va comme suit. Je dois admettre avec transparence que j'ai vécu au fil du temps de la fascination envers différentes choses, dont la prière, la bénédiction, l'hypnose et la visualisation créatrice, parce que j'avais peur d'assumer la réalité pour ce qu'elle est. Donc, je cherchais le support de la forme. J'ai observé que la peur venait de penser que je réfléchissais de manière personnelle dans ma conscience sans que je les ai choisis volontairement au préalable, car la pensée vient d'ailleurs. Par la suite, en réaction à ces dernières, je les ai crues comme étant personnelles et j'ai cherché au fil du temps le support de techniques pour faire face à ces idées mensongères au lieu de confronter la source de ces dernières, c'est-à-dire de contester l'entité, les générants, pour m'élever en vibration au-dessus de la peur qu'elle m'occasionne et de ma soumission implicite à cette dernière. Au lieu de contester l'entité derrière les pensées mensongères pour les dévoiler, j'entretenais la désinformation en me soumettant implicitement au discours du mensonge en moi qui participait à me garder dans une conscience ignorante, voilée, involutive, opaque et orgueilleuse. Pour être libre de la désinformation interne, il ne faut pas subir passivement les formes pensées, mais il faut plutôt avoir la transparence de les observer pour reconnaître ce qui se passe en soi et de contester au besoin la source de ces dernières pour égaliser notre relation avec elle. Je réalise que si je cherche le support de formes spirituelles, ésotériques, métaphysiques ou autres pour être bien dans ma peau, cela me garde dans un état de vulnérabilité propice à de la désinformation en vivant un état de soumission à l'autorité que je donne à ces éléments extérieurs à moi, au lieu d'être dans mon autorité vibratoire individuelle et autonome. Tant que je cherche des techniques comme des béquilles extérieures à moi pour me libérer de la peur, je ne m'autorise pas à être libre de ces formes par moi-même et je n'assume pas le fait que je peux générer une vibration au-delà de ces dernières de par la manifestation de la puissance de ma volonté. Si un ego réalise qu'il est manipulé par du mensonge dans sa psyché, par des entités pour vibrer à la crainte, dans l'optique qu'il cherche à les briller ensuite pour être libéré de la crainte par elles, il est à leur merci. Il doit plutôt affirmer sa volonté d'être libre de la crainte par lui-même, plutôt que d'implorer des entités dans l'espoir qu'elles lui accordent cette liberté. Il doit se donner la liberté plutôt qu'attendre qu'elle vienne d'elle. Sans volonté de transparence dans l'ego qui a connu l'évolution, il n'y a pas d'émancipation psychique possible de sa part du mensonge cosmique servant à le garder dans une opacité, lui voilant son ignorance et l'entretenant dans son inconscience et le mensonge. La transparence de l'ego peut émerger lorsqu'il utilise l'énergie résultant de sa souffrance issue de la désinformation qu'il subit comme carburant pour se mettre en action énergétiquement et la contester avec autorité. L'ego issu de l'évolution qui devient transparent est obligé de reconnaître avec clarté les failles qu'il présente pour les dépasser et croître en conscience. Par exemple, cela peut être le désir d'avoir raison et des croyances qu'il entretient jusqu'à présent, qu'il doit dépasser en réalisant que ces éléments l'appauvrissent et participent à le désinformer. Sans volonté d'installer au sein de l'ego la transparence, il ne peut pas savoir réellement par lui-même, car son opacité masque son accès au réel. Pour arriver à la transparence, il doit se dépouiller des formes psychologiques, ésotériques, religieuses, culturelles et autres qui ont pu le fasciner et qui peuvent faire interférence à sa capacité de percevoir le réel pour ce qu'il est. Pour accéder au savoir de ce qu'est le réel, l'ego doit être transparent en lui et par lui. Ce n'est pas les autres qui vont faire cela à sa place. Il y a une distinction qui doit être faite entre la transparence en soi et pour autrui. L'ego doit en venir à être totalement transparent envers lui-même, en neutralisant l'astral en lui, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit être entièrement transparent envers autrui. Sa transparence envers lui lui donne accès au savoir instantané de jusqu'où il peut aller dans un esprit de générosité psychique avec l'autre et ne pas lui créer de choc inutile. Pour voir clair en autrui, il faut d'abord voir clair en soi avec transparence d'ego. Tant que le réel de qui nous sommes dans notre multidimensionnalité et devenir est voilé par du mensonge, nous ne pouvons pas accéder au réel de qui est et appeler à être l'autre dans l'intégralité de son destin cosmique, car tout est interrelié. Pour savoir qui est l'autre, il faut d'abord se savoir. Voilà ce qui complète maintenant la lecture du texte qui s'intitule « Être transparent en soi pour s'émanciper du mensonge ». Et c'est sûr que l'essentiel que je veux véhiculer à travers cet écrit, c'est l'idée que la transparence par rapport à soi-même est fondamentale. Quelqu'un ne peut pas parvenir à une conscience supramentale s'il n'est pas transparent envers lui-même parce qu'à ce moment-là, il ne verra pas la désinformation qui se manifeste en lui, entre autres de par le plan astral, de par le double, l'esprit, et il ne sera pas en mesure de la contester. Pour faire preuve de transparence envers soi, il faut être capable de regarder qu'est-ce qui se passe en soi. Et des fois, ça peut engendrer de la contrariété, ça peut entraîner de la souffrance à un certain niveau parce que ça amène l'ego à réaliser les lacunes qu'il peut présenter, les choses qu'il doit ajuster pour mettre de l'ordre dans sa psyché et en venir à connaître de plus en plus la paix de l'esprit.